La recherche du marteau. Vingthor se mit en colère lorsqu'en se réveillant il ne trouva plus son marteau à côté de lui. Sa barbe trembla, sa tête se troubla et le fils de la terre tâtonna autour de lui. Et voici ce qu'il chanta d'abord. « Loc, écoute, je vais te conter une chose que personne ne sait, ni sur la terre, ni dans le ciel élevé. » Le marteau du dieu est dérobé. » Ils se rendirent dans la jolie demeure de Freya, et ces paroles furent les premières que Thor chanta. « Freya, prête-moi ta forme emplumée pour retrouver mon marteau. » Freya chanta. « Je te la prêterai quand elle serait d'or, je te la prêterai, fût-elle d'argent. » Loke s'envola donc. Et la forme emplumée siffla dans les airs jusqu'à ce qu'elle fût sortie de l'enceinte d'Asgard et arrivée dans le pays des géants. Trimmer, le prince des géants, était assis sur la colline. Il attachait ses chiens gris avec des chaînes d'or et avec des ciseaux, il égalisait la crinière de ses chevaux. Trimmer chanta. « Comment vont les Ases? Comment vont les Alfes? Pourquoi viens-tu seul à Jotunheim ?» Loke chanta. « Les choses vont mal pour les Ases, les choses vont mal pour les Alfes. Tu as caché le marteau de Lorid. » Trimmer chanta. « J'ai caché le marteau de Lorid à 8 haltes de profondeur dans la terre. Pas un homme ne pourra l'en retirer s'il ne m'amène Freya pour épouse. » Loke s'envola donc, et la forme emplumée siffla dans les airs jusqu'à ce qu'elle fût sortie du pays des géants et arrivée dans Asgard. Thor le rencontra dans la cour et lui adressa de suite ces paroles. « As-tu réussi à remplir ton importante commission? Raconte-moi les nouvelles de l'air. Celui qui reste assis s'égare souvent dans les traditions, et celui qui est couché raconte des fables. » Loke chanta. « J'ai réussi dans mon importante commission. Trimmer, le prince des Tursars, a ton marteau. Pas un homme ne pourra le reprendre s'il ne lui amène Freya pour épouse. » Ils allèrent rendre visite à Freya la jolie, et Loke chanta ces paroles. « Freya, couvre-toi du lin des fiancés, et nous irons ensemble à Jotunheim. » Le lin des fiancés, c'est le voile. Freya se mit en colère, sa respiration en fut accélérée. Tout le palais des Ases trembla, et le collier Brising bondit sur le sein de l'Asès. « On me croirait folle d'homme si j'allais avec toi à Jotunheim. » Tous les Ases et toutes les Asès se rendirent à l'assemblée et délibérèrent sur le moyen de rentrer en possession du marteau de Lorid. Alors Heimdall, le plus blanc des Ases, il était habile comme les vannes, chanta « Couvrons Thor du lin des fiancés et de Brising le grand collier. Que les clés résonnent à son côté, que des vêtements de femme tombent autour de ses genoux. Parons sa poitrine de pierres précieuses et son bonnet de dentelle. » Mais Thor, ce dieu sévère, chanta. « Les Ases pourraient me traiter de fou si je me couvrais du lin des fiancés. » Loke, fils de Leuf, chanta. « Ne parle pas ainsi, Thor. Les géants bâtiront bientôt dans Asgard si tu ne vas point quérir ton marteau. » On couvrit donc Thor du lin des fiancés et de Brising le grand collier. Des clés résonnèrent à son côté. Des vêtements de femme tombèrent autour de ses genoux, sa poitrine fut ornée de pierres précieuses et son bonnet de dentelle. Loke, le fils de Leuf, dit « Je serai ta suivante et nous irons tous deux à Jotunheim. » Aussitôt on ramena les boucs de l'herbage, ils furent attelés et se hâtèrent. Ils fendaient les montagnes et embrasaient la terre. C'est ainsi que Thor se rendit à Jotunheim. Alors Trimmer, le prince des Tursars, chanta. « Levez-vous, géants, et parez vos bancs. Amenez-moi pour fiancée Freya, la fille de Njord de Noatum. » Dans la cour se promenaient les troupeaux à cornes d'or, les bœufs noirs. La joie du géant, j'ai de l'or, j'ai des perles, Freya seule me manquait. Les voyageurs arrivèrent le soir de bonne heure, et la bière forte des géants fut apportée devant eux. L'époux de Zif mangea à lui seul un bœuf, 8 saumons et tous les plats fins qui conviennent aux femmes. il but 3 tonnes d'hydromel. Alors Trimmer, le prince des Tourzars, chanta. Où vit-on jamais une fiancée aussi gloutonne et avalant d'aussi grandes bouchées? Je n'ai pas encore vu de femme buvant de la sorte. La droite suivante était là et trouvait réponse aux paroles du géant. Freya n'a rien pris depuis 8 nuits, tant elle était impatiente d'arriver à Jotunheim. Trimmer se baissa sous le lin pour embrasser la Zès, mais il bondit en arrière jusqu'au fond de la salle. Comment se fait-il que les yeux de Freya soient aussi pénétrants? On dirait qu'ils lancent du feu. La droite suivante était là et trouvait réponse aux paroles du géant. Freya n'a point dormi durant 8 nuits, tant elle était impatiente d'arriver à Jotunheim. La laide sœur du géant entra et osa demander un cadeau. « Donne-moi les rouges anneaux que tu portes à tes doigts si tu veux acquérir mon amour. Mon amour est toute la bienveillance de mon cœur. » Alors Trimmer, le prince des Tourzars, chanta. « Apportez le marteau pour l'offrir à ma fiancée. Posez-le sur les genoux de Freya et mariez-nous avec la main de Vœr. » Le cœur de Loride rit dans son sein lorsqu'il sentit sur ses genoux le dur marteau. Il tua d'abord Trimmer, le prince des Tourzars, et assomma toute la race de ce géant. Il tua aussi la vieille sœur du géant qui avait demandé une dot. Elle reçut un coup de poing pour l'argent qu'on lui avait donné et un coup de marteau pour les anneaux. C'est ainsi que le fils d'Odin rentra en possession de son marteau.